Prière. Dieu des enfants, le cœur d'une petite fille, plein de prières, écoute, est ici sous mes mains. On me parle toujours d'orphelin sans famille. Dans l'avenir, mon Dieu, ne fais plus d'orphelin. Laisse descendre au soir un ange qui pardonne, pour répondre à des voix que l'on entend gémir. Mets sous l'enfant perdu que la mère abandonne, un petit oreiller qui le fera dormir.